يقول الشيخ عثيمين عن الغلو, يقول الغلو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا. Donc le غلو c'est le fait d'outrepasser les limites dans la dévotion, dans l'œuvre et dans les éloges, dans la critique. Car sana, sana, c'est pas forcément l'éloge. Sana, ça peut être également une critique. Comme on dit dans le hadith, dans cette janaza qui est passée, on parle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wajabat, wajabat, wajabat. Et les sahaba, ils ont dit, pourquoi tu dis cela? Il a dit, car cette janaza est passée, on parle, asnaytum alayha khayra. Vous avez son éloge. Donc, wajabat lahu al-jannah. Et après, il a dit, une autre janaza, wajabat, wajabat, wajabat. Ils ont dit, limaza kulta hadha, qala, asnaytum alayha sharra. Donc, le sana, c'est pas forcément l'éloge. Il a dit, asnaytum alayha sharra. C'est le fait de rappeler quelqu'un, soit en bien, ou soit en mal. Et souvent, c'est, on dit sana, souvent c'est l'éloge. Mais ça peut être également pour le mal. Shahid yakul que ça peut être le rouleau dans l'éloge et dans la critique. مثلاً l'éloge مثل من النصارى مع عيسى. طيب أطرأ الإطراء هو المبالغة في الثناء. Le fait de faire trop d'éloges à tel point qu'ils en ont fait le fils d'Allah et qu'ils l'ont adoré. Et le contraire من في عيسى الغلو في القدح من اليهود ils ont exagéré dans quel sens qu'ils ont réduit du rang de عيسى qu'ils en ont fait un enfant de zina ni un prophète ni un du tout et que Mariam était une prostituée. D'accord, donc ça c'est du غلو également. Donc le غلو c'est d'en dire trop les gens, enfin leur alloge, de ce qu'ils ne méritent pas. Ou alors de critiquer les gens de ce qu'ils ne méritent pas. C'est du rouleau. Quant au fait de faire une éloge méritée, ce n'est pas du rouleau. Ou le fait de critiquer quelqu'un qui mérite, ce n'est pas du rouleau. هذا هو الصواب. والسنة هم الوسط. Là-dedans, ils sont le juste milieu. Donc tu verras souvent les gens qui ont du fanatisme accusés de rouleau lorsque tu critiques les gens qu'ils aiment. Et tu les verras eux-mêmes faire preuve de roulou en accusant des gens de ce dont ils sont innocents. C'est du roulou. D'accord ? Quand tu as une critique placée dans son contexte, ala wal haq, et une critique hors contexte, ou plutôt une défense, à fois une défense faite d'une personne qui la mérite, هذا هو الحق. مثلا tu verras les gens du batil accuser les gens du haq d'avoir du roulou de toutes ces formes. Les murji'a vont accuser les gens de la sunna d'avoir du roulou, d'être trop dur, parce que eux ils ont du laxisme, ils ont du roulou à le côté inverse dans le laxisme. Et tu verras les khawarij accuser les gens de la sunna d'être des murji'a. Pourquoi? Parce qu'ils ont du rouleau dans le takfir et dans la critique. D'accord? Wa kaza. Et tu verras les gens de la hizbiya accuser les gens de la sunna d'avoir du rouleau. Ils ont appelé roulat. Pourquoi? Parce que ils ont reçu un jarh de tahazzub, un tahzib que ces hizbi ne veulent pas reconnaître et qui en réalité méritent. Tu verras pas un hizbi dire je suis un hizbi. Tu verras pas un hizbi dire oui, c'est vrai, je suis un hizbi. Il y a toutes sortes de formes. Tu verras pas moutadir dire c'est vrai, je suis un moutadir. Il a toujours dit, moi, ce que je vois, ce que je fais, je considère que c'est haq. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour pouvoir, clarifier leur hal aux gens. Comme on parle de Ta'ala. وَلَوْ رَضَفُوا اللَّهِ نَاسَ بَعْضٌ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Que si Allah n'avait pas fait en sorte que des gens en combattent d'autres, d'accord, sur le désordre sur terre. Donc, il y aura forcément des gens qui vont venir pour clarifier le hal d'autres personnes. Même si ces personnes-là, accusées, ne veulent pas la reconnaître. ce qui compte, c'est que Allah il a dit litakunu shuhada 'ala an-nas, vous avez dit témoin sur les gens, c'est-à-dire la vie de la personne de justice sera pris en compte, même si l'accusé n'accepte pas. Et l'accusé aura toujours des avocats de la défense, toujours, déjà pour le défendre. Toujours. On prend en compte. Ce qu'on prend en compte, ce sont les faits. Si quelqu'un avec des faits concrets critique une personne, même si tout le monde vient pour le défendre, ta défense ne servira à rien si les faits sont réels. D'accord ? Et le contraire, si des gens accusent des innocents, d'accord ? Et si les faits prouvent que la personne est innocente, tu parles toute la terre pour accuser, l'accusé sera innocent. Il sera innocent. Allah yahkumu baynakum yawm al-qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun, et que Allah jugera entre vous yawm al-qiyamah dans ce sur quoi vous divergez. Cela c'est général, les gens du kouf, les gens du shirk, les gens de la sunna, les gens de la bid'a, les gens des péchés, les gens de l'istiqama. Et aujourd'hui il y a un khilaf, on ne sera jamais unis sur ce genre de masail. Masalan, dans le tabdir, tu auras toujours quelqu'un qui va défendre le mubtadi', toujours, d'accord, de son vivant je parle. Et les gens du haq savent que celui-là, c'est pas, ça n'est garé. Mais au Al-Qiyama, le hukm jazim va venir d'Allah Azzawajal. Car des gens disent, ouais, tu ne seras pas interrogé sur un tel dans ta tombe. Là, dans ta tombe, peut-être pas. Mais au Al-Qiyama, d'avoir défendu un mubtil, tu seras interrogé. Taïeb, comme a dit Ta'ala, wa la tarkanu lillazina zalamu fatamassakum an-nar. Donc ne vous penchez pas vers ceux qui ont été injustes, car vous serez touchés par le feu. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, vous n'aurez pas d'ordre d'Allah. Vous ne savez pas c'est pour eux. Donc défendre les gens du faux, cela n'est pas permis. Vous serez interrogé par rapport à cela. Donc Allah Ta'ala, وَلَا تَكُنُوا لِخَائِنِينَ خَصِيمًا, ne sois pas, comme on dirait, un défenseur pour les traîtres. Donc dire que tu ne seras pas interrogé sur les gens du faux, c'est faux. Que tu les défends, tu seras jugé pour cela. Ou le contraire, que tu auras accusé les gens du vrai, ils sont innocents, tu seras jugé pour cela. Donc il ne faut pas les idées sur la chose. Savoir la vérité, elle est où pour pouvoir suivre la vraie voie. Non.